no, no. Dracula, Dracula, quoi? Tcha, tcha, tcha. Sors donc doucement de ta tombe. Tu vas par les nuits les plus sombres, drapé dans ton grand manteau noir. Dracula, Dracula, quoi? Tcha, tcha, tcha. Tes yeux lancent d'étranges flammes. Tes dents sont parées à des lames. Il faut l'avoir vu pour le croire. Plus agile qu'un serpent, tu te produis prestement dans la maison d'une jolie femme. Et pour la vider de son sang, dans le coup tu la mords de toute ton âme. Dracula, Dracula, ra. Lorsque tu vois le jour qui pointe, desserrant soudain ton étreinte, tu pars retrouver le néant. Retrouver le néant. Dracula, Dracula.